Salut à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Gemozo. Il est 15h30 en ce samedi 11 mai. Nous sommes en direct pour parler de la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionale. Avec nous pour ce faire, Catherine, Laurent et Jeanne. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Happy birthday to you. Le week-end prochain, vendredi 17 et samedi 18, ça va être la grande teuf à la médiathèque de Rue Miremont. Mais vous ne vous inquiétez pas, nous allons détailler le programme très riche. Mais avant ça, il y a plein de choses à dire, que ça soit sur les services proposés habituellement par votre structure et également les animations. Je précise aussi, puisque je disais que nous sommes en direct, certes, mais peut-être que vous entendrez cette émission un peu plus tard et en rediffusion. Donc, en ce moment-là, nous ne serons plus le samedi 11 mai, mais ça sera encore le moment pour vous d'aller faire la fête, je le disais, à la médiathèque de Remiremont pour ses festivités. Catherine, directrice. Oui. Quand je parle de structure, alors je devrais mettre un S, hein, puisque c'est un réseau de lecture intercommunale qui comprend 6 médiathèques. Tout à fait, c'est un réseau intercommunal, donc de lecture publique, qui comprend 6 médiathèques, donc une tête de réseau, Remiremont et 5 antennes. Donc une à Dommartin, une donc à Éloy, une à Saint-Nabor, une à Vecoux, et dernièrement une nouvelle médiathèque au Val d'Ajol, voilà, depuis décembre 2018. Celles-ci sont complémentaires et permettent à tout un chacun de ce territoire bien d'avoir accès à la culture. Oui, la culture pour tous, oui. Qu'on soit abonné ou non. Comment ? Qu'on soit abonné ou non. Qu'on soit abonné ou non, si on n'a pas de carte, on peut bien sûr venir à la médiathèque pour consulter tous les documents qui sont disponibles, oui. L'origine de ce réseau, moi je me souviens encore de la bibliothèque de Remiremont qui se trouvait en face de la mairie, qui est maintenant d'ailleurs la place de l'Office du Tourisme. Effectivement, oui, oui. Donc avant c'était une bibliothèque municipale, hein, donc qui ne comprenait que des livres. Donc aussi un fonds ancien qu'on a perdu puisque maintenant c'est de nouveau parti aux archives municipales. Et donc à la suite de ça, donc nos élus ont décidé de créer une médiathèque intercommunale. Et puis donc on est dans le bâtiment Maxon-Rue depuis mai 2009. Ça, la bibliothèque de Remiremont, c'est le prémisse de ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'embryon. Oui, bah oui, parce qu'on prêtait déjà des livres, on faisait déjà des animations, et puis il me semble que dans les dernières années, on a commencé à prêter aussi des jeux vidéo, et on avait aussi une borne internet, et on était un peu dans les premiers sur les Vosges à pouvoir voir disposer de ce support. Vous allez le voir, hein, ça s'est sacrément développé depuis. Il y a environ 100 000 documents que vous mettez à disposition, que ça soit des CD, des DVD, des livres, et vous prêtez même des consoles et des tablettes. Les consoles aussi, ou c'est sur place ? On en a sur place, et on en a aussi qu'on peut emprunter à la maison, oui. Est-ce que vous pourriez nous faire une visite virtuelle, justement, tiens Laurent, c'est ton truc, de la médiathèque. On va parler des différents endroits, et comme ça sera l'occasion de développer sur chaque. Je crois qu'il y a 8 secteurs dans la médiathèque. Quand on arrive, il y a l'accueil. Voilà, c'est ça. C'est là, l'accueil. C'est là là où on peut rendre les documents qu'on a empruntés. On peut également en profiter pour s'abonner. Voilà, s'abonner. Avoir des renseignements. C'est ça, oui, voilà, un petit peu tout. Et oui, voilà. Une fois qu'on a passé ce stade, vers où peut-on aller et que s'y passe-t-il ? Alors là, il y a 2 chemins. On peut aller vers la droite ou vers la gauche. On peut descendre, je sais pas, comme tu veux. Ah bah, bon, j'ai envie. Tiens, je vais vous parler de mon parcours. Ah bah, c'est direct le point presse. Ah bah oui. Tout droit. Effectivement, oui. On doit souvent passer direct vers là-bas. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce point, ce secteur, alors presse, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, voilà. Donc il y a donc la presse, il y a tous les quotidiens, tous les quotidiens, que ce soit régionaux ou nationaux, évidemment des hebdomadaires, mensuels, vraiment de tout, oui, pour tout le monde. Alors on en revient à ce que je disais précédemment. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'être abonné. Chacun peut s'y rendre. C'est ça, oui. On lit sur place. On n'a pas le droit d'emmener les journaux ou autres magazines. Là, si. Là, sauf le dernier numéro. Ah. Sauf le dernier numéro. Mais oui, bien sûr, on peut les emprunter aussi. Oui, bien sûr. Une fois qu'on a passé ce stade, alors là, c'est à gauche tout. Hein. Tout se passe à gauche. Il y a plusieurs portes. Voilà. Alors on va prendre la première à gauche. Donc là, c'est le cyber. C'est chez toi. Ce qu'on appelle. C'est chez moi en partie, oui. Ce que vous partagez, hein, c'est ça qui est bien avec les médiathécaires, c'est que vous partagez les tâches, même si chacun a une spécificité à la base. Oui, on est spécialisé un petit peu dans des domaines, mais souvent, on reste polyvalent, oui. Ouais. On peut quand même te voir souvent aussi dans l'espace. Oui, je suis plutôt vers là-bas, oui. Alors là, il y a beaucoup de choses. Quelles sont-elles? Quelles sont les choses que tu pourrais nous mettre en avant sur cet espace? Alors oui, au cyber, on propose beaucoup de choses. On peut évidemment donc se connecter gratuitement pour une heure, qu'on soit abonné ou non. On peut également aussi emprunter donc des tablettes, on parlait tout à l'heure, des consoles, du coup les jeux vidéo qui vont avec. On peut aussi jouer sur place, donc des consoles portables, plus précisément. Il y a aussi deux PC de jeu, voilà, spécialement pour le jeu vidéo. Et donc 8 PC pour travailler, pour le coup. Voilà, à peu près. Et puis on peut évidemment faire des impressions, scanner, voilà, de toutes ces choses-là, ouais. Ça, c'est une des dernières nouveautés, le fait que même les non-abonnés aient le droit à l'accès Internet gratuitement pendant une heure. Voilà, oui, ça fait depuis le mois de janvier. Voilà, c'est ça, depuis le mois de janvier, ouais. Voilà, pour vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre. Pour eux, ou pour les abonnés, quoi qu'il en soit, au bout d'une heure, on paye 1 euro pour c'est ça, si on veut une heure supplémentaire, oui, voilà, c'est 1 euro, oui. Le cyberespace, ce sont également des ateliers. Oui. Il y a des ateliers adultes, les ateliers du cyber. Donc, c'est les mercredis matins. Et c'est sur inscription, ouvert à tous, encore une fois, abonnés ou non. Il suffit de s'inscrire. Et c'est des ateliers d'initiation à l'informatique. Donc, c'est très, très, très varié. Hein. Ça peut être tout simplement de l'initiation vraiment grand débutant, si on ne connaît rien à l'informatique. Ou ça peut être des choses plus poussées, de la retouche photo, des choses comme ça. Je vais vous donner le programme. Alors, aujourd'hui, avec vous, on va parler du programme de la médiathèque intercommunale pour mai et juin. Pour les ateliers du cyber, le prochain, ça sera ce mercredi 15 mai, avec pour thème le tableur Excel, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis le mercredi, c'est tous les mercredis, hein, de toute façon, de 10h à 12h, sur inscription, mais gratuitement. Ensuite, il y aura le 22 mai, ça sera sur Windows 10. Exact, oui. Puis le 29 mai, c'est ça. Attends, je crois que je dis une bêtise en fait, parce que j'ai le programme et je sais pas le dire, donc c'est problématique. Je l'ai pas. Alors. Ah oui. Non, je vais redire. Donc mercredi 15 et 22 mai, c'est sur Excel. Il y aura deux séances. Voilà, c'est ça. Il y a Excel. Des séances. Voilà, ça peut être sur deux séances. Ça peut être sur une, voilà, mais ça dépend, oui. Le 29 mai, ça ne sera pas Excel, ça sera Windows 10. Et puis, les 5 et 12 juin, là aussi, il faudra deux séances pour parler de Photoshop. Enfin, je dis parler, et bien sûr, il y a une théorie, mais il y a beaucoup de pratiques. Oui, c'est lors ça. De ces ateliers. Oui, voilà. Et puis, il y avait les Cyber Kids. C'est ça. Atelier pour les enfants vous avez eu plusieurs séances à chaque fois dans lesquelles vous avez fabriqué un objet différent et la finalité de tous ces ateliers ça sera le 8 juin. C'est ça. Le 8 juin il y aura la pratique, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fabriqué ces objets et même ceux qui n'ont pas fabriqué d'ailleurs seront invités à la médiathèque pour s'en servir. Ça sera en salle de lecture, donc tout en bas d'ailleurs. Voilà, on continuera ça. La visite tout à l'heure. Hein, oui, voilà. Le 8 juin, ça sera à quelle heure tu... Alors, ce sera à 10h. Alors, les cyberkids, c'est toujours le samedi de 10h à midi, à peu près. Et là, voilà, oui, on va ressortir tout ce qu'on a fabriqué dans le cadre du Nintendo Labo. Il y aura besoin de s'inscrire aussi, comme les... Voilà, c'est sur inscription, sans forcément être abonné, oui. Oui. Et on va dire, tu veux nous dire, Laurent, quelques objets que vous avez fabriqués pour nous donner une idée? Oui, alors on en a construit beaucoup. Donc le Nintendo Labo, voilà, c'est quelque chose qui est proposé par donc la marque de jeux vidéo Nintendo. Je l'avais pas dit, t'as vu? Oui, voilà. Ah, tu voulais pas la marque. Pardon. Vas-y. Donc ces objets fabriqués sont en carton. Voilà, et donc on les a fabriqués avec les enfants et il y a eu plusieurs kits et on les a tous faits. D'ailleurs, ce matin, on a terminé le dernier kit qui était un kit pour faire de la réalité virtuelle. Donc voilà, tout sera présenté donc le samedi là, l'occasion de tout tester. Il y a un robot, canne à pêche, piano, voilà, la maison, canne à pêche, véhicule. Ça, c'est un classique, oui. Vous pourrez voir ça le samedi 8 juin au matin à l'ouverture de la médiathèque de Remiremont, voilà. C'est-à-dire à 10h, mais inscrivez-vous au préalable. J'avais pas un numéro de téléphone dans le coin, moi, mais si, le 03 29 22 50 01, 03 29 22 50 01, c'est celui de la médiathèque à Remiremont. Il y a un film musical aujourd'hui, il s'agit des Whippers Circus. Pourquoi, tiens? Oh, au hasard! C'est un hasard, non, Catherine? J'ai choisi ça? Non, je crois pas. Hein. Est-ce que vous allez les recevoir? On va les recevoir donc samedi soir pour clôturer en fait notre week-end d'anniversaire. Et on les recevra à Saint-Nabord, dans Salle France, à 18h. Samedi 18 mai, 18h, au centre socioculturel de Saint-Nabord. C'est d'ailleurs seul événement, j'ai envie de dire, décentralisé pour l'anniversaire. Délocalisé, ouais. Oui. Sinon, le reste, ça sera tout le temps... Sur Remiremont. Est-ce que vous connaissez la fabuleuse histoire de Billy Cowboy? Ah non. Non? Non. Ben, vous savez quoi? On va laisser les Whippers Circus nous la raconter. Qu'en dites-vous? Super. Ambiance fait de bois. Hey les kids, rapprochez-vous autour du feu. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire. L'histoire de Billy Cowboy. Billy Cowboy est un très grand justicier. Aussi fort et géant qu'un immense pygmée. C'est pourquoi les enfants, vous n'allez pas me croire quand je vais en chantant raconter son histoire. Billy, Billy Cowboy. Billy Cowboy, il est né un jour sur un poney, car sa mère se sauvait de peur de le montrer. Billy Cowboy, en naissant, faisait du rodéo, et sa mère, en chantant, lui apprenait ses mots. Billy, Billy Cowboy est très bon, aussi bon qu'un bonbon. Tout mou et tout mignon, un bonbon à l'oignon. Et toujours prêt à tout et sans craindre le deuil. Il distribue des coups, mais surtout des coups d'œil. Billy, Billy Cowboy. Billy Cowboy est surtout le plus grand des tireurs. Dans les rues de la ville, tout le monde en a peur. Quand il sort son fusil, tout le monde se cache. Il tire sur tout ce qui bouge et vous taille les moustaches. Billy, Billy Cowboy. Billy, Billy Cowboy. Billy, Billy Un beau jour, un vil cowboy quittera son revolver et son petit poney, préférant le scooter. Il ira dans ta ville, quelle pitié, quel malheur, et fera son cacou sur son cyclomoteur. Billy, Billy, cowboy. Les Whippers Circus, c'est le fil musical de cette émission consacrée à la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionale. Et pourquoi ? Eh bien parce que vous pourrez les voir dans le cadre du 10e anniversaire de cette médiathèque. Ça sera au centre socioculturel de Saint-Nabor, samedi 18 mai à 18h et c'est gratuit. C'est gratuit. Toutes les animations sont gratuites. Pas besoin de s'inscrire au préalable. Pas besoin de s'inscrire parce que c'est une grande salle, la salle France, donc je pense qu'on aura assez de place pour tout le monde. Vous auriez deux mots à nous dire sur ce groupe ? Les Whippers. Alors les Whippers, en fait, c'est un groupe de copains qui avaient envie de, de jouer ensemble de la musique et principalement de la chanson française et du rock français. Et ils sont originaires de Strasbourg, voilà. Donc ils reprennent des classiques ou non de la chanson française, qui transforment sous forme rock'n'roll. Et depuis une dizaine d'années, hein, ils sortent des livres disques, enfin CD pour enfants, enfin pas que pour enfants, on va c'est dire pour c'est public. Pour famille, mais comme on a entendu là, c'est issu de l'album N'importe Nawak. Ça sera le spectacle que vous proposerez le samedi 18 mai. C'est pour ça que c'est l'idéal pour venir en famille. Oui, toutes les familles peuvent venir, faisons que ce soit les enfants et même les personnes âgées. Ça leur plaira parce que c'est dynamique et puis ben voilà, ça donne envie de chanter, danser, c'est participatif et actif quoi. Jeanne, tu es actuellement stagiaire à la médiathèque à Remiremont ou tu fais les différents lieux, les différentes communes ? Alors, je suis principalement à Remiremont, mais il m'arrive de visiter les différentes antennes du réseau. Donc à Vecoux, Éloi, Dommartin, etc. On va rester sur la visite virtuelle de celle de Remiremont. Après le cyberespace, toujours à gauche, qui a-t-il ? Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu peux nous le dire ? Oui, il y a l'espace musique. Avec des CD audio, des partitions, des livres sur la musique. Et on peut même écouter des CD à même à Remiremont. Là aussi, hein, c'est bien sûr une des particularités que vous proposez. On le disait, hein, c'est que on peut emprunter, mais aussi, là en l'occurrence pour la musique, écouter sur place. On peut consommer sur place tout ce que vous mettez à disposition. Qu'y a-t-il encore à dire sur le coin musique ? Est-ce que Jeanne a tout dit là-dessus ? On a des DVD musicaux aussi. Donc, étant donné qu'on n'a pas de lecteur DVD ni de télé à l'espace musique, donc les gens prennent le DVD musical à l'espace musique et vont le regarder à l'espace cinéma. Et ça reste de la musique, même si ça ne se passe pas dans cet espace. De temps en temps, il y a des concerts à la médiathèque. Oui, régulièrement même. Soit à la médiathèque à Remiremont, soit dans les autres antennes. Il n'y en aura pas un prochainement, hein. Les concerts, enfin si, dans le cadre du 10e anniversaire, mais ça on va le détailler, mais en dehors de ce cadre-là En dehors des 10 ans, après on a la fête de la musique, avec le groupe Edgar, donc le groupe Edgar c'est un groupe de jazz en fait, et notre fête de la musique on la délocalise, elle se passera au Val d'Ajols, donc ce sera le 22 juin, au Val d'Ajols à 17h, dans la salle des fêtes. Parce que le Val d'Ajols, c'est la nouvelle antenne, je dirais. Oui, c'est la nouvelle antenne, oui. De cette médiathèque intercommunale, depuis quelques mois, début d'année. Depuis le mois de décembre, depuis le 19 décembre, voilà. On a ouvert cette antenne et ça marche très bien. Les gens étaient en attente de cette antenne et les Ajolais fréquentent bien notre structure. Ils s'y sentent bien, d'ailleurs. Pour donc l'espace musique, on a dit ce qu'il fallait. Oui. Ensuite, quand on continue toujours sur la gauche à la médiathèque de Remiremont, à l'étage, non, c'est rez-de-chaussée, parce qu'il y a un sous-sol, c'est plutôt comme ça. Oui. Le sous-sol, tu le disais, Catherine, c'est là qu'on peut y voir des DVD, en emprunter, et puis les livres qui sont là à part entière. Qu'y a-t-il après le coin musique ? Donc il y a l'espace enfant. Donc l'espace enfant, bah voilà, comme son nom l'indique, c'est pour les plus jeunes. Donc tous les enfants de 0 à, on va dire, jusqu'en 6e, même plus s'ils en ont envie, peuvent fréquenter cet espace. Donc on y retrouve des livres pour les tout petits, des livres cartonnés, des CD pour les petits, des romans, première lecture, des romans pour les plus grands, des BD, des CD livres lus. Il y a une tablette aussi, donc on peut consulter les applis. Et c'est la même chose, en fait, on peut venir emprunter, on peut se mettre sur un coussin tranquillement, rester là tout un après-midi, regarder un album ou lire une BD, ou regarder une revue, quoi. Voilà. Il y a une sacrée superficie, il y a de quoi faire pour cet espace enfant. Oui, c'est une belle superficie, c'était quand même des anciennes classes, et là, les gamins se sentent hyper bien, quoi. C'est vrai que là, vous êtes bien tombé, il y a 10 ans, quand vous avez pris place à cette ancienne école de Maxon Champ. Maxon-Ruch, c'est sûr, je confonds tout le temps. C'est un sacré bâtiment. Et cet espace enfant, est, j'ai envie de dire, au fond. Oui, au fond de notre médiathèque. Mais bon, les gens les trouvent quand même sans problème, quoi. Je l'expliquais, c'est tout droit de toute façon. Une fois qu'on entre, il n'y a pas possibilité de se perdre. Et puis, c'est bien indiqué, chaque porte de chaque espace. Mais bon, de toute façon, c'est ouvert, il y a toujours... du monde. Pour cet espace enfant, on peut aussi évoquer les ateliers qui sont proposés. Je crois que c'est tous les samedis matins, une fois sur deux, racontines et marmottines. Donc en fait, il y a les marmottines. Donc normalement, c'est 2 fois par mois, qui sont pour les plus petits, 0-3 ans. Ensuite, il y a les racontines. Et depuis peu, il y a les racontines 2.0, donc qui sont inaugurées, on va dire, et lancées par Laurent et Bérangère. Donc les racontines 2.0, en fait, c'est une lecture, mais du point de vue numérique. Voilà, pour les enfants. Et puis, bien sûr, il y a tous les accueils de groupe, les accueils de classe. Elles reçoivent aussi maintenant, elles s'occupent des MJC, des mercredis récréatifs, pardon. Elles font beaucoup aussi d'animation hors les murs. Et avec tous nos partenaires, que ce soit le RAM, l'école de musique, le centre social de Remiremont, la ludothèque. Et on va bientôt, prochainement d'ailleurs, gérer avec la médiathèque la fête du jeu. Voilà. Ça sera le samedi suivant votre anniversaire, vous. Oui. L'anniversaire de la médiathèque, les 10 ans, ça sera le vendredi 17 et samedi 18 mai. Et pour la fête du jeu à Remiremont, tu le disais, Catherine, ludothèque plus médiathèque, ça sera le samedi 25. Voilà, mai. C'est ça. Et vous participerez comment, vous? Alors, on va faire des lectures donc à la médiathèque, et puis on va participer, il me semble, avec des racontines aussi. Je le disais, finalement, tous les samedis matins, il se passe quelque chose à l'espace enfant. Vous alternez marmottine et racontine. Voilà. Et puis aussi Cyber Kids. Voilà. Aussi. Pour les enfants. Je disais qu'on développerait l'anniversaire, la programmation de celui-ci un peu plus tard, mais finalement, en voyageant avec vous à travers les espaces de la médiathèque de Remiremont, on le fait, ou on va le faire, puisque pour l'espace enfant, on disait racontine marmottine, et justement, le samedi matin, alors c'est vrai que il y aura eu le vendredi, mais on vous le dira tout à l'heure, mais le samedi matin, ça commence à l'ouverture de la médiathèque, le samedi 18 mai à 10h, par racontine 2.0. Laurent, ça sera toi. Oui, c'est ça. Changera. C'est moi avec ma collègue Bérangère, oui. Et vous ne serez pas seul, puisqu'il y aura Cubetto. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. On sera 3, en fait. Qui c'est? Alors, Cubetto, c'est un petit robot en bois. Et il va vivre une aventure, mais il a besoin de l'aide des enfants pour avancer dans son aventure. En fait, l'histoire, c'est un prétexte pour initier les enfants à la programmation informatique. Donc vraiment, c'est vraiment adapté pour les petits, et c'est avec une tablette en bois, des blocs de commandes en bois. Donc tout est en bois, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Et voilà, c'est une manière ludique de commencer un petit peu à voir ça. Ludique et nature, je dirais, puisque tu le disais, tout est en bois. C'est ça, oui. Oui, on dirait même, ça change. On dirait même pas un robot, parce qu'il est entièrement en bois, il fait pas de bruit, il est très très très très beau. C'est pas la première fois que vous en servez, bien sûr, enfin que vous en servirez pour cet anniversaire. Alors là, pour le coup, il nous a été prêté par la médiathèque départementale des Vosges. Mais si l'animation est un succès, et c'est un succès vu que c'est déjà rempli malheureusement, Voilà. On peut plus s'inscrire. C'est voilà, non, voilà, du coup, je... Nous sommes en train de vous parler. Oui, voilà. Dans l'atelier. Bah, je voulais en parler quand même. Dans lequel vous ne pourrez pas venir. Mais oui, voilà, malheureusement, c'est déjà complet. Mais si, voilà, si, du coup, ça nous encouragerait à peut-être retenter plus tard l'expérience, oui. En tout cas, c'est... Et réinviter Cubetto, oui. C'est original. Oui, oui, bah voilà, oui, ça... Un peu l'idée aussi avec les racontines 2.0, comme tu disais Catherine, voilà, de proposer une autre manière de raconter des histoires. Et là, autour du numérique, donc ça peut être avec une tablette tactile, et là, en l'occurrence, avec un robot. On a tout dit concernant l'espace pour enfants. Il me semble. Oui. Oh oui. Ensuite, alors nous rebroussons chemin dans cette visite de la médiathèque de Remiremont. On repasse, on peut regarder ce qui se passe à nouveau là sur le chemin du retour. Espace musical, espace cyberespace, l'espace presse. On repasse à côté de la... J'ai oublié quelque chose. Oui, on a oublié l'espace BD manga. Ah ben voilà, voilà. Bah, c'est bien. Alors, c'est au même étage, oui. Enfin au rez-de-chaussée. Et qu'y a-t-il ? Ah bien... Voilà, des BD et des mangas. Juste en face, espace musique. Là aussi, parfois, ça arrive qu'il y ait des auteurs qui viennent parler de, oui, de BD, par exemple. Donc, on organise une fois par an le Café BD. Donc, avec un libraire de comment dirais-je... De Nancy, de Nancy, c'est la parenthèse, voilà. C'est la parenthèse, non? Oui, la parenthèse, voilà. Stéphane Godefroy, donc qui vient nous présenter les dernières BD, et puis ben on a tout un public fervent hein, de cette animation. Et ils échangent ensuite ben voilà sur les dernières BD qui sont sorties, et ben souvent ben voilà et les gens ont du mal de partir parce que c'est une animation qui leur plaît bien. Avant de descendre au rez-de-chaussée, enfin non, j'en veux moi avec mon rez-de-chaussée au sous-sol de la médiathèque de Remiremont, je vais vous dire quand même les tarifs pour ceux qui sont abonnés. Donc on le disait, hein, que ce soit activité, atelier, où vous pouvez lire, écouter de la musique, regarder des DVD sur place sans être abonné. Mais pour les abonnés, vous allez voir qu'il y a des tarifs préférentiels. C'est pour ça que je vais vous dire non, ne vous inquiétez pas, Laurent, Catherine, j'ai tout sous les yeux. j'ai noté ça si j'arrive à me relire. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Tout à fait. Bon, ce n'est pas rien. Ensuite, de 13 à 25 ans, c'est 5,50 €. Oui. Puis nous passons à un échelon supérieur, un tarif un peu plus élevé pour les 26-59 ans, c'est 22 €. Alors là, je vous dis, je vous parle d'un abonnement d'un an pour ceux qui font partie de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales, hein. Les 10 communes qui en font partie. Ensuite, il y a ben, le tarif réduit pour les étudiants demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, adultes handicapés et plus de 60 ans, c'est 5,50 €. Moi, c'est ça qui m'avait très surpris. Hein, c'est très peu, 5,50 € à l'année pour, oui, avoir accès à tout ce qu'il y a à la médiathèque, dans les médiathèques de cette communauté de communes. Donc, pour ceux qui ne font pas partie de la communauté de communes, bah, les tarifs que je vous ai donnés doublent à chaque fois. Et pour tous, il y a la possibilité d'un pass un mois qui est de 5 €. J'ai tout dit, hein, voilà, pour les prix. Pour emprunter, donc, bon, bah, on le disait, hein, pour emprunter, il faut être abonné. Et pour s'abonner, ça peut être ou à l'accueil, ou des différentes médiathèques, ou sur Internet, vous avez un site qui est magnifique, ce site Internet qui a... Ah ben non, mais faut le dire, là aussi, qui est très riche, comme vos médiathèques. Il y a tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et également, il y a les documents pour s'inscrire et puis pour vous amener aux médiathèques si besoin. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit pour le tarif. Tout à l'heure, je parlerai aussi, alors même ça vous paraîtra peut-être un peu long, mais non, ça ne l'est pas tant que ça, mais les différents horaires des médiathèques, et je dirais aussi pour les vacances. Je crois que c'est le moment de retrouver le fil musical, toujours avec les Whippers Circus. Vous n'entendez pas un drôle de bruit? Non? Non. Écoutez, non, bien, ouvrez vos écoutilles. Ça serait pas le moustique? Ah, bien l'impression. La situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique. Un genre de moustique, un moustique de Zetekami. Un genre de bête vole dans la nuit. J'entends quelque chose qui bourdonne comme un moteur qui ronronne à la manière d'un énorme bombardier. Il est là tout près qui résonne, il est là qui fanfaronne, sans cesse il passe et repasse sous mon nez. Sans bouger j'ai pris, paralysé par la panique, sans bouger j'ai pris, tapis dans la nuit. C'est le bruit typique, le cri de la bête qui pique, c'est le bruit typique, typique au moustique. J'entends quelque chose qui bourdonne comme un moteur qui ronronne à la manière d'un énorme bombardier. Il est là tout près qui résonne, il est là qui fanfaronne, sans cesse il passe et repasse sous mon nez. Les yeux tout bouffis à la flûte du point de trafic, les yeux tout bouffis debout sur le lit. J'ai pris la musique, le cri de la bête qui pique, j'ai pris la musique typique au moustique. Je suis armé bien entendu d'une espèce de massue, la corrida va pouvoir commencer. Si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi la tactique, ou bien je l'oxy, ou c'est pique et pique. Je sonne la lalie, j'ouvre la lumière électrique, j'en ai ma claque de tourner en bourrique. Ça ne fait pas l'ombre d'un pli, il est là, c'est bien lui qui me regarde en me faisant dépienner. Il est là tout près du nombril, il est là, c'est bien lui qui s'en va, qui s'enfuit tout là-bas dans la nuit. Tragique, j'entends de mon lit comme une musique. Un genre de moustique, un visite de cet acabit. Un genre de bête vole dans la nuit. Panam doudip, tabidoubidoubidoubab. Panam doudip, tibouribudab. Panam doudip, tabidoubidoubidoubab. Panam doudip, tibouribidoubidoubab. Vous venez d'entendre les Whippers Circus sur Radio Guémozo. Ils seront l'invité de la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionales pour son anniversaire, ses 10 ans. Ça sera ce concert des Whippers Circus au Centre socioculturel de Saint-Nabor le samedi 18 mai à 18h. Et vous avez peut-être reconnu, il y avait qui chantait avec les Whippers Circus? Que ça, c'est une chanson de Richard Gottener. C'est lui qui chantait avec eux pour cette nouvelle version. Et la médiathèque de Remiremont, enfin, pas que de Remiremont, d'ailleurs, je vais vous donner tout de suite les horaires pour toutes les médiathèques du réseau de lecture intercommunale de la Porte des Vosges méridionales. Déjà, bah, je vais commencer par Remiremont, parce qu'il y a eu quelques changements. Exit le mardi midi. Oui. Les deux heures qu'il y avait à ce moment-là ont été réparties, voilà, plutôt bien, je trouve. Peut-être que c'était, il y avait pas de monde le mardi midi. Non, on n'avait vraiment pas beaucoup de monde. Ouais. On avait ouvert du temps de midi pensant qu'on aurait du monde et touchant, bah, le public qui pouvait pas venir des fois plus bas dans la journée. En fait, non, c'était. On était un peu seul. Ben c'est pas plus mal, mais comme ça maintenant, on peut rester un peu plus longtemps à certains moments. Je vais vous dire quand. Déjà, le lundi, ça n'est pas ouvert hein, à Remiremont et nulle part ailleurs d'ailleurs, dans autre médiathèque du réseau. Le mardi, 10h, 12h, 14h, 18h. Le mercredi, 10h, 12h. Et c'est là qu'il y a une nouveauté, hein, ça commence plus tôt. 13h30, 18h. Jeudi, 14h, 18h, là ça n'a pas changé. Vendredi, et c'est là qu'on gagne une heure, puisque ça débute à 13h30 et ça termine à 18h30. Oui. Et le samedi, 10h, 12h, 14h, 17h30, on gagne 30 minutes. Pour l'été, puisque là on vous parle de mai-juin, mais à partir du 1er juillet, ça, ben, il s'agira des horaires d'été qui seront quasiment les mêmes, à part qu'il n'y aura pas les matins, le mardi et mercredi matin. Ça ne sera pas possible d'aller à la médiathèque de Remiremont pendant les vacances. Et les autres horaires ne changeront pas. Pour Don Martin et Remiremont, bah, c'est facile. Mercredi, 14h, 18h. Et vendredi, 9h30, 12h. Et pour les vacances d'été, eh bien, il y aura juste le vendredi de 9h30 à 12h. Pour Eloi, la médiathèque est ouverte le mercredi et jeudi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 17h. Pendant les vacances, ça sera le jeudi de 14h à 18h qui restera. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter. Là, j'ai parlé de Don Martin et d'Éloi. Peut-être de dire aussi où elle se trouve. Pour Don Martin, c'est 25 rue de Franou. C'est où? 25 rue de Franou, c'est derrière la mairie. On peut pas la louper, hein. Non. Et puis pour Éloi, Saint-Cruchon-de-Gaulle, eh ben, c'est juste au centre, en fait. Hein, voilà. C'est aussi juste en face la mairie, il y a aussi une pizzeria, c'est place du marché. Et on a peut-être qui ne savent pas encore où se trouve celle de Remiremont. Mmh. Place Maxon-Rue, place Jules Méline, à l'ancien bâtiment Maxon-Rue. Mmh. Pour Saint-Nabor, au centre socio-culturel, ça tombe bien, tiens, c'est là où joueront les Whippers Circus le samedi 18 mai, à 18h. Eh bien, elle est ouverte, la médiathèque, de 16h à 18h le mardi, de 14h à 18h le mercredi et le vendredi de 14h à 18h30. Pendant les vacances estivales, ça sera le mercredi de 14h à 18h. Pour le Val d'Ajol, la nouvelle médiathèque, qui est, ben c'est depuis la fin d'année, depuis le mois de décembre qu'elle est ouverte. Apparemment, vous en êtes satisfait, oui. D'après ce oui. que nous disait Catherine. Et elle est ouverte le mercredi de 10h à 12h, et l'après-midi 14h à 17h30, le vendredi 14h à 18h30, et le samedi 10h à 12h. Pour les vacances d'été, ben ça sera le vendredi de 14h à 18h30. Et nous terminons par Vecou, et c'est bien pour Vecou, il y a un jour, et ça sera le même pour les vacances d'été, c'est-à-dire que le mercredi de 9h30 à 12h, voilà, pour la médiathèque de Vecou, pour les ouvertures, et elle se trouve 11 rue du Centre. Oui, Vecou, dans le bâtiment de la mairie, en fait. Hein. Et pour le Val d'Ajol, ben, c'est place de l'Hôtel de Ville. C'est le bâtiment des Épinettes. C'est souvent pas loin des mairies ou... Tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on a tout dit. Là. Pour les tarifs, c'était précédemment. Pour les horaires, c'était à l'instant. Et je voudrais en revenir quand on parlait tout à l'heure. Enfin, je parlais du site internet. Il y a la mallette numérique. Alors ça, c'est plutôt pas mal aussi quand on est abonné à votre réseau de lecture intercommunale. On a l'accès à cette mallette numérique. Qui nous en parle ? Qu'est-ce que c'est ? Plouf, plouf, ça sera toi qui parlera. Allez, c'est moi. Donc la mallette numérique, oui, c'est un service proposé par la médiathèque départementale des Vosges. Et chaque personne qui s'abonne à notre médiathèque est automatiquement abonnée à la mallette numérique. Donc la mallette numérique, c'est tout simplement des ressources en ligne. Donc on peut consulter des livres, des magazines, des films... Voilà. Et des films récents ? Voilà, c'est ça. Oui, oui, il y a des films très récents, oui. Oui, oui. Pour y avoir accès, ça se passe avec notre numéro de carte d'abonné de médiathèque et le mot de passe, qui généralement, par défaut, est la date, l'année de naissance. Voilà, c'est ça, l'année de naissance, oui. Donc si vous ne savez pas votre mot de passe concernant votre abonnement médiathèque pour accéder à la mallette numérique, vous devez connaître votre date de naissance, donc il n'y aura qu'à la taper. Et c'est d'ailleurs les mêmes identifiants pour Internet, quand on C'est ça. Chez vous, à Remiremont, mais d'ailleurs les ordinateurs, c'est pas qu'à Remiremont. Hein. Oui, bien sûr, on peut se connecter sur tout le réseau, oui. Et voilà, c'est les identifiants, le mot de passe, marche. Et aussi chez soi pour éventuellement consulter son compte, voir ce qu'on a emprunté, faire des réservations, voilà, des choses comme ça. Parce que ça aussi, c'est possible de réserver, que ça soit un livre, un CD, un livre ou autre, tablette, console. Mmh. Oui, voilà, on peut faire une réservation, par exemple. Réserver un document qui est au Val d'Ajol, le faire venir à Dommartin, par exemple, et puis après le rendre à Vecou, si on a envie de le faire un peu se balader, on peut tout à fait le faire, oui. Un de vos 100 000 documents empruntables, 3 semaines maximum. C'est ça, 3 semaines, oui. 3 semaines qui peuvent être éventuellement prolongées, si besoin, si le document n'est pas réservé par quelqu'un d'autre. Il y a parfois des soucis de documents qui sont dégradés. Qui sont, dégradés. Et dans ce cas, comment ça se passe? Disons que sur vraiment l'ensemble, tout ce qu'on peut faire comme emprunt, comme prêt, c'est quand même assez rare. Oui. Mais au cas où, comment fait-on? Comment vous faites? En cas où, les gens sont obligés de rembourser le document, quoi, en fait. Voilà. Après, si c'est un DVD, par exemple, qu'on a depuis 5-6 ans, il y a l'usure. Donc souvent, des fois, soit il passe plus, ou le boîtier est abîmé. Les gens ne remboursent pas. Mais s'ils perdent ou ils abîment un DVD qui est récent, ils sont obligés de le payer. Et ça peut coûter très cher, puisque si c'est des DVD qui sont récents, ils doivent payer des droits de prêt et de consultation. Et des fois, le prix est multiplié par deux ou trois par rapport à ce qu'on achèterait ici dans un commerce, quoi. Prenez soin des documents que vous empruntez à la médiathèque. C'est ce que je retiens de ce qui vient d'être dit. Pour l'espace livre qui est au sous-sol de la médiathèque de Remiremont, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Déjà, là aussi, hein, beaucoup de place, beaucoup de parce qu'il y a beaucoup de livres. Il y a des possibilités de choisir pour ceux qui voudraient un bouquin, qui ne peuvent pas se l'acheter et qui voudraient que la médiathèque l'ait. Il y a possibilité, tout comme d'ailleurs, je crois, les autres documents, CD et DVD, de vous proposer de le commander. On peut faire des suggestions de documents, oui, bien sûr. On a deux cahiers, un cahier pour l'espace cinéma et puis un cahier pour l'espace littérature, où les gens, s'ils ont envie de nous suggérer un document qu'on n'a pas, ne peuvent nous le noter. Et après, nous, en fonction de notre fonds, on choisit ou pas de l'acheter, en fait. Voilà, les propositions ne sont pas forcément acceptées. Pas toujours. mais c'est le cas quand même. Ça dépend. Comme tu disais, ça dépend de... du fond. Oui, voilà, il faut que ce soit cohérent quand même avec notre fond. Et d'autres choses à dire sur cet espace-là ? Donc mes collègues organisent aussi des animations, Anne-Caroline et Marie-Laurence. C'est des cafés lectures. Donc justement, on proposera au mois de juin un café lecture au Val d'Ajol. Je crois que c'est le 14 juin. Donc là, en fait, mes collègues, les gens viennent avec un bouquin et mes collègues parlent d'un auteur ou d'un livre qu'elles ont bien aimé. Elles lisent aussi un document. Jeanne, tu as participé aussi à un café lecture. Oui, tu veux en parler ? On peut même proposer parler d'un livre qu'on n'a pas du tout aimé, et expliquer pourquoi. Et très souvent, les discussions dérivent sur d'autres sujets d'actualité ou divers. Le café lecture, c'était le week-end dernier. Du coup, le prochain, ça sera dans un mois, tu le disais, Catherine, mais oui, cette fois au Val d'Ajol. Ouais, ça sera au Val d'Ajol. Le vendredi 14 juin de 14h à 16h. Besoin de s'inscrire au préalable ? Non, les gens viennent comme ils ont envie. Tu écoutes Radio Gemozo, tu es un ado. Cette chanson est pour toi. Persécuté dans la place. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Mais tu aimes bien ta maman. Ton papa est naze. Ton petit frère est naze. Ta grande sœur est naze. Justin Bieber est naze. Ton collège est naze. Tes profs sont naze. Mais tu aimes bien ta maman. Le prof de latin comprend rien à rien. On dirait sans cesse qu'il récite la messe. Il se croit malin, mais c'est un pantin quand il fait son altesse. On lui montre nos fesses. Un Kevin, c'est mon pote, il est allumé. C'est pas une lumière, il a disjoncté. En chimie, c'est chelou, là te fait péter. En jetant du sodium dans l'eau des WC. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Tu aimes bien ta maman. Ton papa est naze. Ton petit frère est naze. Ta grande sœur Justin Bieber c'est naze. Ton collège c'est naze. Tes profs sont naze. Mais tu aimes bien ta maman. Et me dis mon breton est tellement gentil que les filles du bahut sont toutes folles de lui. Mais tant pis, c'est foutu, elles ont pas de chance. Il est amoureux de sa prof de danse. Mais ma vieille grand-mère c'est une vraie sorcière. Elle me fait manger du tartare de liqueur. Sans Red Bull, sans Fanta et sans granola. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Mais tu aimes bien ta maman. Ton papa est naze. Ton petit frère est naze. Ta grande sœur Justin Bieber c'est naze. Ton collège est naze. Tes profs sont naze. Mais tu aimes bien ta maman. Dans ma classe, y'a Nico, il est tellement dark. Ouais. Et ses fringues sont même pas des habits de marque. Dans sa vie de gothique, c'est toujours carnaval. Et Lolo, c'est le faillot, il a un cœur d'or. La porte de Matador, c'est un vrai trésor. Dès qu'il a le dos tourné, il se fait bombarder. On lui envoie des boulettes et des crottes de nez. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Mais tu aimes bien ta maman. Ton father est naze. Ton petit frère est naze. Ta grande sœur est naze. Justin Bieber c'est naze. Ton collège est naze. Tes profs sont naze. Si tu aimes bien ta ta maman. Ouais. Et ma meuf, elle est vraiment trop cool. Quand elle fait un selfie, on dirait le cul d'une poule. Elle aime pas mes copains, elle les trouve. Elle me veut moi tout seul, mais ça c'est pas possible. Elle nous quitte, elle me casse, elle revient. Je comprends rien à rien et c'est ça qui l'agace. Elle me lol, elle me kiffe, elle me like, elle me tèche. C'est pas toujours facile d'être une star au collège. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Adolescent, tu es un rebelle. Ton collège, tes profs, ton âge. Tu aimes bien ta maman. Et oui, Peepers Circus sur Radio Gamozo, vous avez pu entendre dans cette émission hein, trois morceaux et vous aurez remarqué que c'est très diversifié leur style. Bon, les paroles, ben c'est à la base pour enfants, mais c'est pour les familles. Hein. Vous pouvez aller les voir en concert tous ensemble et ça tombe bien puisqu'ils seront de passage à Saint-Nabor au Centre Socio-Culturel le samedi 18 mai à 18h pour l'anniversaire de la médiathèque de la Porte des Vosges méridionale. Et donc samedi 18 mai à 18h, entrée libre, c'est gratuit. Il y a même pas de chapeau. Non, même pas. Non, parce que les Weeper Circus, c'est vrai que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, vous qui écoutez, mais c'est une grosse pointure, hein, nationale, oui. Même internationale. Ils jouent en Europe depuis une bonne vingtaine d'années. Mmh. Ils ont commencé plutôt chanson française, rock, et puis depuis quelques temps, ils se sont mis à la chanson pour enfants avec des livres. CD, à chaque fois des collaborations de dingue, hein, puisque je vais pas vous citer tous les chanteurs et chanteuses, acteurs également et écrivains qui ont participé avec eux dans ces albums, mais je vais quand même le faire. Bon, ils seront, enfin, je vais vous citer quelques noms, mais ils seront pas à Saint-Nabor. Hein. Il y aura juste les Weeper Circus. Mais par exemple, ont collaboré Aldebert, hein, chanson pour enfants, pas que, mais il s'est fait connaître dernièrement aussi pour ça. Il y avait les Ogues de Barbac, Debout sur le Zinc, des groupes dans le même état d'esprit, Dionysos, des chanteuses comme Olivia Ruiz, oui. Juliette, des acteurs, je le disais, par exemple, Tchéki Cario, François Morel, Jean Rochefort et des écrivains comme Marc Lévy et Vincent Ravarel ou Maxime Chatham. En tout cas, profitez que les Weeper Circus soient dans le coin samedi 18 mai, Saint-Nabor, au Centre Socio-Culturel à 18h. Allez-y en famille et puis vous ferez la fête avec la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionale. Pour nous en parler, il y a dans ce studio Catherine, la directrice, Laurent, médiathécaire, on dit. Oui, oui. Et Jeanne, stagiaire, actuellement. Mais c'est le moment de développer sur le programme anniversaire, vendredi 17 mai, samedi 18 mai, le vendredi 17. Jeanne, que va-t-il se passer ? Alors, ça commence à 17h30 avec l'inauguration. Donc, la remise du prix photo qui a été organisée à la bibliothèque, les gagnants seront désignés. On va s'arrêter là avant de continuer, parce que c'est important de faire un focus dessus. Déjà, 17h30 à la médiathèque de Remiremont, pour tous. Pour tous. Le prix, regard de lecteur, ce concours photo qui avait été proposé dans le cadre de vos 10 ans, quel était-il que pourriez-vous nous en dire ? Donc en fait, à la base, c'était les lecteurs viennent faire des photos. Donc on voulait que les lecteurs expriment en fait à travers leur appareil, leur image, une photo, leur regard, ce qu'ils ont de la médiathèque. Mais la médiathèque en général. Voilà. Donc en fait, ça pouvait être un morceau de toit de Max Onru, un banc, un livre, quelqu'un qui regardait un document, un code-barre sur un document tout simplement. Donc on a eu différentes sortes de photos en fait et donc un jury s'est réuni, on a sélectionné 20 photos. Donc des photos très originales que vous pouvez voir actuellement, hein, puisqu'elles sont exposées à la médiathèque de Remiremont, ancienne école de Maxon Rue. Le jury, tu le disais Catherine, mais pas n'importe lequel, en tout cas il est composé par exemple de Magali Bauer, portraitiste de France, meilleure portraitiste de France il y a quelques années. Également Franck Noël, Pierre Salquèbre, que ceux qui vont visiter chaque année la semaine de la photographie à Remiremont connaissent bien. Et puis Jean-Pierre Valentin, Martin, photographe réalisateur notamment de beaucoup de documentaires tournés en Afrique, et puis plus dernièrement Vosges, l'appel de la forêt qui avait été diffusé à la médiathèque de Remiremont, donc un jury de qualité, et puis après du public, puisque je le disais, à Remiremont vous pouvez voir 6 photos et puis voter. Et puis voter. Donc là, les votes vont bon train. Donc, en fait, les gens pouvaient voter aussi dans les antennes via une urne. Et puis, il y avait aussi un PowerPoint où on pouvait donc découvrir nos photos. Et puis, à partir de la semaine prochaine, donc, le jury va se réunir de nouveau et on va donc décider qui aura le prix. Et ce que tu nous disais, Jeanne, c'est pour ouvrir les 10 ans de la médiathèque intercommunale, à 17h30 vendredi 17 mai, il y aura l'inauguration, plus suivi de la remise des prix à 18h30 de ce concours photo. Donc, entre-temps, on va aussi inaugurer une enseigne. La médiathèque, en fait, elle n'est pas forcément bien signalée. Il y a beaucoup de gens qui venaient à la médiathèque qui ne la voyaient pas forcément, les artistes ou autres. Donc, avec l'autorisation des élus, on a fait un appel et puis on va avoir une belle enseigne. Ce sera une découverte. Donc, c'est la découverte aussi de vendredi soir 17 mai. Cette enseigne va être inaugurée et puis aussi un clip vidéo. Parce qu'on a des jeunes réalisateurs, des jeunes du lycée Louis Lumière, pardon, qui sont en première L, donc qui sont venus la semaine dernière, ils ont tourné un petit clip sur le réseau. Dans toutes les médiathèques ? Toutes les médiathèques, oui. Et ceci avec l'aide de leur professeur, Madame Marchoki. Voilà, on verra aussi tout ce résultat vendredi prochain. Ce petit clip sera proposé sur notre portail, page Facebook et au Cinéma de France. Belle entrée en matière pour l'anniversaire. Ensuite, ça sera dans la foulée, le concert que vous proposerez, Jeanne ? On pourra rester sur place ou il faudra rentrer pour revenir à 20h pour le concert ? C'est ouvert. On pourra rester sur place. Oui, le concert sera à 20h, après la remise du prix concours Regard de lecteur. Et ça sera quoi comme concert ? Le concert des Ailes Vagabondes. Donc, c'est un duo de violoncelle, accordéon, voix. Avec Christelle Arrault et Sarah Tanguy, qui sont, je pense, bien connues sur le secteur. C'est un pas parce qu'en fait, c'est un concert de musique traditionnelle. C'est un concert participatif. Elles font participer les gens, elles partent au milieu du public. Elles vont présenter aussi d'une manière intimiste ce concert. Je pense que ce sera un bon moment musical. Christelle Arrault à l'accordéon, oui. Sarah Tanguy au violoncelle. Tout à fait. Tu parlais de musique traditionnelle, donc nous allons voyager à travers le monde avec elle. Il y aura du chant également. Il y aura du chant. Elle chante. Elle chante. Et il faut participer les gens, en plus. Ça sera gratuit pour l'anniversaire de la médiathèque, pour les 10 ans, mais de toute façon, ce que vous proposez est toujours gratuit. À 20h le vendredi 17 mai, ce concert des Ailes Vagabondes. Il y a besoin de réserver ou pas ? Non, exceptionnellement, on n'a pas fait de liste de réservation. Bon, on verra, ce sera la surprise. Voilà pour ce qui concerne le vendredi 17 mai, cette première partie d'anniversaire. Ensuite, on va se coucher. Ensuite, on va se coucher. Ouais. Et on se réveille. On se réveille, bon pied, bon oeil, le samedi matin. Voilà. Et c'est là qu'on rencontre Laurent et Cubetto. Mais bon, de toute façon, ça c'est pour ceux qui se sont inscrits, puisque maintenant, ce n'est plus possible. Mais peut-être une prochaine fois, Cubetto reviendra et vous pourrez vous inscrire et participer à cet atelier. Donc, ça sera le début de la deuxième partie d'anniversaire, ça ? Oui, alors ensuite, on va avoir... 10 heures, les racontes 2.0. Voilà, on va avoir une proposition, en fait, d'atelier de cuisine participatif. Au même moment, à 10 heures. En même temps, en parallèle, donc, pour les adultes et autres. Tout le monde peut venir, bien sûr. Donc, en fait, le but, c'était aussi, pendant ce week-end, de faire connaître aux gens un peu les gestes, les éco-gestes. Donc c'est pour ça qu'on a un partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges-Chaunoises pour présenter deux ateliers, donc un à 10h, donc l'atelier de cuisine participatif, donc zéro gâchis, des recettes de cuisine style pain perdu, que faire de nos anciens légumes, nos anciennes pommes de terre, voilà, nos anciennes carottes. Et puis ils vont nous proposer un autre atelier, donc qui s'appellera l'atelier jardin potager à 14h30, et là ce sera initiez-vous au jardinage zéro pesticide, voilà. Là, c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir, on n'a pas d'inscription. Et je pense que bah voilà, c'est vraiment dans le goût du jour, de l'actualité. Et en parallèle, la médiathèque, on propose actuellement une proposition de documents justement sur tout ce qui est écologie. Alors, ce qui est pas mal hein, pour ce samedi 18 mai, et l'anniversaire de la médiathèque, c'est que à 10h, tu viens de le dire, il y aura cet atelier de cuisine participatif. Oui. Et qui dit préparation de repas dit ensuite repas. Et ça tombe bien puisque à midi, et puis qui dit repas dit assiette. Avant toute chose. Tout à fait. Donc Laurent va nous parler un petit peu du spectacle musique d'assiette. À midi, à médiathèque de Remiremont, toujours. Qui aura-t-il ? Voilà, c'est ça, oui. On aura un personnage qui s'appelle du nom de Gérard Van Fouchette, qui viendra nous présenter voilà, son spectacle musique d'assiette. Voilà, il est le spécialiste national de la discipline. Donc, c'est une conférence un petit peu absurde sur une pratique musicale qu'il a inventée, voilà, et que c'est participatif, donc évidemment les participants voilà sont invités à s'initier à la musique d'assiette et de couteau, de fourchette, d'un petit peu tout. Et voilà, ça va être une animation très originale. Oui, je suis allé voir des vidéos sur Internet. Oui. Et c'est vrai que ça donne envie, tu le disais, Laurent, c'est un personnage. Et d'ailleurs, je viens seulement de me rendre compte, quand tu l'as prononcé, je me suis dit, tiens, Laurent l'a mal prononcé, c'est moi qui, depuis le début, pour moi, c'était Van Fourchette. Ah, pourtant, c'est bien écrit Van Fourchette, vu ce qu'il propose, pour moi, c'était Van Fourchette. Ah, c'est voulu, hein, je pense. Oui, non, c'est oui. Donc là, faut réserver. C'est ça, c'est sur réservation, oui. Ça se passera où dans la médiathèque, à l'extérieur ? Ah ben on espère à l'extérieur. Normalement, si le soleil fait de la partie, ce sera à l'extérieur. Dans la cour ? Dans la cour, sous un chapiteau. Les assiettes sont fournies ? Les assiettes seront fournies. Puisque les verres, les fourchettes, les couteaux. Vous aurez à participer. Alors, participer pas pécuniairement parlant. Hein, oui. Participer en jouant le jeu avec cet artiste. Il aura peut-être un chapeau, lui parce que... Je ne crois pas. Non ? Normalement, non. Après, vous pouvez le soutenir si vous voulez. Vous discuterez avec lui, puisque l'échange sera de mise. Oui. Après son spectacle, il y aura le repas, je le disais. Un pique-nique partagé, en fait. On trouvait que c'était sympa pour nous 10 ans de partager un repas avec nos lecteurs ou autres, de mieux se connaître. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas un pique-nique partagé. Donc, chacun, à la manière de l'auberge espagnole, amène ce qu'il a envie d'amener. Et puis, on mange tous ensemble. Voilà. Et on papote sur la matinée ou sur la culture ou autre. Là aussi, c'est sur réservation. Toujours dans la programmation de l'anniversaire, les 10 ans de la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionales. Donc samedi 18 mai, le matin, le midi, vous nous avez dit ce qu'il y avait. Il y a juste le midi, donc ces deux activités, en tout cas le spectacle de musique d'assiette et le pique-nique partagé qui sont sur réservation hein, pour être sûr que pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Oui, qu'on arrive à manager tout ça. Et ensuite, à 14h30, tu nous le disais, hein, Catherine, ça sera le deuxième partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges Saunoises après l'atelier de cuisine participative du matin. L'après-midi, à 14h30, tu auras cet atelier jardin. Oui, tout à fait. Et ça sera l'occasion de découvrir un jardin mobile. Donc en partenariat donc avec la Maison de la Nature des Vosges-Chenoises, le Centre social de Remiremont, la MJC du Val d'Ajol et les ateliers municipaux du Val d'Ajol. Donc on a créé des jardins mobiles en fait. Et ils vont revenir sur Remiremont le samedi 18 mai. Donc ce sera aussi l'occasion de les découvrir à ce moment-là. Et à la médiathèque de Remiremont, pour tous ceux qui viendront, après, je pense qu'il y aura beaucoup de sport à faire puisque il y aura de quoi manger. Après cet atelier, l'après-midi, hein, il y aura encore de quoi. Enfin, il va falloir, ça sera le goûter. Il faudra du souffle. Faut souffler les bougies. Donc, c'est le goûter anniversaire. Voilà. Donc, il sera animé par, il y a un petit concert avant avec Saxofolie. Donc un groupe de saxophonistes, comme son nom l'indique. Donc ce groupe est managé par Isabelle Bertolon, qui est professeure de musique à l'école intercommunale de la Porte des Vosges méridionales. Donc on devrait interpréter pendant 30 à 40 minutes certains morceaux, et ensuite, le gâteau va nous être arrivé en fait, et tout le public donc est invité à venir souffler des bougies. Et tout ce qu'on a dit, c'est à la médiathèque de Remiremont. Oui. Vendredi 17 et samedi 18 mai. Oui, tout à fait. Et puis pour finir, ça a été le fil musical de cette émission. Il y aura Jeanne. Ah oui, à 18h, le spectacle Weepers Circus à Saint-Nabord, donc. Au centre socioculturel. Oui, dans la salle France. Venez en famille. Oui, et ça durera à peu près une heure. Pour conclure ce week-end festif de la médiathèque qui a déjà 10 ans pour ce réseau de lecture intercommunale qui se développe, qui continue à se développer de plus en plus. Hein, c'est dingue tout ce qui est proposé tant en documents que pour les animations. Et puis on le disait, c'est la culture pour tous, hein, que vous soyez abonné ou non. Oui. Déjà, il y a des tarifs pour les personnes précaires si on a envie de s'abonner. Mmh. Pour ceux qui n'ont pas internet, par exemple chez eux, ben c'est l'occasion aussi, même pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'aller à la médiathèque pour profiter une heure d'internet. Voilà, beaucoup de choses. On espère que vous avez bien pris connaissance de toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées, Catherine, Laurent et Jeanne, que vous aimeriez mettre non, en avant? Non, je ne pense pas. Il me semble qu'on a dû faire tout le tour. Oui, oui. On vous attend nombreux, hein, vendredi voilà. Et samedi. On a plaisir à vous accueillir à la médiathèque et participer tous ensemble, surtout à notre repas. Voilà, qu'on partage des bons moments en commun. Et merci de nous accueillir à Radio Gémozo, puisque bon, voilà, mes collègues sont déjà venus tout à l'heure pour partager le prix ado. Hein. Ah ben c'est ça, au fait, avant de se dire au revoir, je voulais tout à l'heure faire une transition, et puis du coup, ben, j'ai oublié. quand on a écouté la chanson de Weeper Circus sur « Adolescent, tu es un rebelle », c'était l'occasion de dire que les ados, ben, tu te dis, Catherine, était là tout à l'heure. Alors, pas en direct, hein, vous qui écoutez Radio Gémozo, vous n'avez rien entendu. c'était enregistré. Nous vous diffuserons d'ailleurs la première émission du prix ado. Quand je dis première émission, c'est l'interview du premier auteur, c'est David Moitet, pour son livre Le dossier Handel. Et donc, c'est ces ados du prix ado qui l'ont interviewé. Ça sera le mercredi 22 mai à 14h sur les ondes de Radio Gémozo. Merci d'être passé. Eh bien, merci de nous accueillir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.